Je vous montre des objets, c'est à vous de me montrer où ils sont placés. Mi va montrer à vous des objets, c'est à vous de montrer à moi où ça va aller placer. Mi va montrer à vous des objets, c'est à vous de montrer à moi où ça va aller placer. Montrez-moi où est l'enveloppe. Montre à moi où ça il est l'enveloppe. Montre à moi où ça il est l'enveloppe. Montrez-moi où est la clé. Montre à moi où ça il est la clé. Montre à moi où ça il est la clé. Montrez-moi où est le rasoir. Montre à moi où ça il est le rasoir. Montre à moi où ça il est le rasoir. Montrez-moi où est le verre. Montre à moi où ça il est le verre. Montre à moi où ça il est le verre. Montrez-moi où est le crayon. Montre à moi où ça il est le crayon. Montre à moi où ça il est le crayon. Montrez-moi où est le téléphone. Montre à moi où ça il est le téléphone. Montre à moi où ça il est le téléphone. Montrez-moi où est la montre. Montre à moi où ça il est la montre. Montre à moi où ça il est la montre. Montrez-moi où sont les ciseaux. Montre à moi où ça il est les ciseaux. Montre à moi où ça il est les ciseaux. Montrez-moi où est le peigne. Montre à moi où ça il est le peigne. Montre à moi où ça il est le peigne. Montrez-moi où sont les lunettes. Montre à moi où ça il est les lunettes. Montre à moi où ça il est les lunettes.